Salut tout le monde, c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël. Et oui, quand je suis joyeux, je chante. Et là, je suis très joyeux, parce que je suis content de vous retrouver pour l'épisode 5, la case 5 du calendrier de l'Avent, le calendrier sonore, attention, parce que cette année, oui, le Père Noël me laisse présenter le podcast de l'Avent, et ça, c'est trop bien. Le principe, c'est un jour, une case, et derrière la case, une surprise. Et là, la surprise, vous allez voir, je l'adore. Allez, on y va, on ouvre cette case, et... Oh ! Un copain ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Titou. Titou, c'est un lutin que j'adore. Et je crois que tu fais pas mal de bêtises, toi. Oh ouais, j'en ai fait, hein. L'année dernière, quelques-unes. Est-ce que tu serais capable de me raconter ta plus grosse bêtise ? Ma plus grosse bêtise, je l'ai faite un jour, quand le Père Noël, il s'entraîne pour le réveillon de Noël quand il va distribuer les cadeaux. Son dernier entraînement, je lui ai volé ses rênes pour faire une balade. Non, mais je me souviens, il était furieux. Et toi, t'es partie avec le traîneau. T'as été où ? Je suis partie dans des collines enneigées pour foncer à fond allure. Oui, toi, tu fonces. Et à vive allure, c'est vrai. Mais j'aime bien l'expression fond allure. C'est vraiment cool. Et là, ça va très vite. Et t'as été très vite, voire trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cogné un sapin et le traîneau s'est cassé. Ça a été un coup dur juste avant Noël. Comment on avait fait déjà, je me souviens plus. On a ramené le traîneau au garage du Père Noël pour le réparer. Oui, ça y est, je me souviens. Et c'est vrai que nous autres, les lutins, on répare très vite. C'est pour ça que ça m'était sorti de la tête, parce que quelques heures plus tard, le traîneau était tout beau. D'ailleurs, on l'avait repeint avec une belle couleur, tu te souviens ? Oh oui, oui, je me souviens très bien de la couleur. Du rouge. La couleur, c'était du rouge. Oui, c'est ça. Il était flambant neuf. Et ça, c'est vraiment les couleurs de Noël, le rouge. Oui, c'est très les couleurs de Noël. Merci, Titou, de m'avoir rappelé cette anecdote quand tu avais emprunté le traîneau du Père Noël. Et là, je crois que tu vas repartir fabriquer des jouets, c'est ça ? Ouais. Oui, je vais aller repartir fabriquer des jouets. J'en ai sûrement à fabriquer là maintenant. Je crois que je suis en train de créer des voitures avec des roues en bois pour que les enfants puissent aller dedans et les conduire. Oui, c'est des voitures super que les enfants adorent. Et c'est toi, Titou, qui les fabrique. Oui, c'est un super lutin, je vous l'avais dit. Bon, bah nous, on va vous laisser. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on va se retrouver dès demain, parce que c'est le principe du podcast de l'Avent. Un jour, une case, une surprise. J'aime bien le concept. Allez, on vous dit à très bientôt, tout le monde. Au revoir !